Chapitre 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils refusent de les aider même du bout du doigt à porter ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon à ce que les hommes les remarquent. Ainsi, ils élargissent les boîtes contenant des versets bibliques qu'ils portent au front et au bras, et ils allongent les franges de leurs manteaux. Ils aiment les meilleures places dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous prenez aux veuves tout ce qu'elles possèdent, et en même temps vous faites de longues prières pour paraître bon. C'est pourquoi vous recevrez un châtiment d'autant plus grand. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul adepte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé, aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. Aveugle, qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui se trouve dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par Dieu qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par Dieu qui y siège. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous donnez à Dieu la dixième partie de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont remplis du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, à l'extérieur, vous paraissez bons aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux de ceux qui ont eu une vie juste, et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Ainsi vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpents, bande de vipères, comment pensez-vous éviter d'être condamné à l'enfer? C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des hommes capables de vous enseigner. Vous tuerez les uns, vous en clouerez d'autres sur des croix, vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues et vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi, c'est sur vous que retombera le châtiment mérité pour tous les meurtres d'innocents qui ont été commis depuis le meurtre d'Abel le Juste jusqu'au meurtre de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Je vous le déclare. En vérité, le châtiment mérité pour tous ces meurtres retombera sur les gens d'aujourd'hui. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tue à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler ta population auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je vous le déclare, dès maintenant, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ».